ici dans les aménagements, on a des placards entre chaque salle où à l'intérieur il y a des ordinateurs portables. Ça veut dire qu'on partage des équipements. 7 milioi euro duela 5 urte eta beste 7 milioi orain, Bolbert Lizeoa osoki berritua da. 19. mendekoa da eraikina, 1265ean instalatu ziren bertan Jakobinoak eta gaur egungo Lizeoa 1842an eraiki zuten ospitale militar bat izateko. Berantago bilakatu zen eskola eta 1937an ere Espainiatik ihesi egin zuten errefuxiatu hartu zituen. Eraikin biziki handia, harrizko arkuekin eta eraikinaren bi hegaletan pasabide luzeekin, osoki berritua izan dela esplikatu digu Mathieu Berger eskualdeko kontseilariak. En réalité, il y a eu deux opérations dans le temps sur ce lycée Paul Bert, au total de 14 millions d'euros, deux opérations de 7 millions d'euros. Donc le lycée a été réhabilité dans son ensemble et rééquipé dans son ensemble. CAPetik BTS-erainoko ikasketak eskaintzen dituzte Polberg Lizeoan, 19. mendeko eraikin batean material gaurkotuarekin, Mathieu Berger. Nous avons un bâtiment historique qui date du 19e siècle, qui a été une caserne, un hôpital militaire, et qui aujourd'hui, maintenant, est un magnifique lycée professionnel équipé avec les outils du 21e siècle. Kantina ere, lizeoan berean dute ikasleek, eta egunean 450 apairu zerbitzatzen dituzte.